Les qualités de Saint Louis. L'amour pour son peuple. Ce saint homme aima Dieu de tout son cœur et imita son exemple, comme il apparut, en ce que, de même que Dieu mourut pour l'amour qu'il portait à son peuple, à son tour, il exposa sa personne à plusieurs reprises par amour pour son peuple, et il aurait bien pu s'en dispenser s'il l'avait voulu. L'amour qu'il portait à son peuple se manifesta dans ce qu'il dit à son fils aîné, lors d'une très grave maladie qu'il eut à Fontainebleau. « Mon cher fils, je te prie de te faire aimer du peuple de ton royaume, car, en vérité, je préférerais qu'un Écossais vînt d'Écosse et gouvernât le peuple du royaume bien et loyalement, plutôt qu'on le vît mal gouverné par toi. »